à l'occasion de la journée commémorative suprême de la nation, Kim Yong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-joon et autres cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée, un président de parti ami, les cadres des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux ont visité le 8 juillet le palais du soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Sur les deux côtés des statues en pied des grands leaders se trouvaient alignés les drapeaux du parti et de la République et la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et paysans. Devant les statues était déposée la corbeille de fleurs au nom du maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Y étaient également déposées les corbeilles de fleurs au nom commun du Comité central et de la Commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée et du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et au nom commun du Présidium de l'Assemblée populaire suprême et du Cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Les participants ont formulé leur hommage sublime au grand leader. Par ailleurs, les militaires de l'armée populaire et les travailleurs de différents milieux ont également visité le même jour le palais du soleil de Kumsusan pour formuler leur hommage sublime au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.